Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices. Bonjour. Nécrophilie, un trip vraiment chelou. La nécrophilie, je ne sais pas toi mais moi, je n'ai jamais pigé l'intérêt. Je peux comprendre la zoophilie, le fait de gober les couilles d'un buffle ou de s'enfoncer un serpent dans la schneck, les trips scato et pédo, mais alors la nécrophilie, vraiment je n'entrave pas le délire. T'imagines, toi, baiser un macabé. Chelou, nan. Un cadavre, ce n'est pas vivant, c'est un peu comme un objet. Un objet qui schlingue. Alors moi, quitte à fourrer ma trique dans un objet, je préfère la glisser dans une Jeannette ou une poupée humanoïde pas trop rouge. Mais un macabé, putain, faut le faire. Et pourtant, je suis un mec ouvert d'esprit. Nan, franchement, je ne comprendrai jamais les nécrophiles. Mon pote Zikon, lui, il kiffe ce délire. Il me raconte qu'en Bretagne, il a pris l'habitude de déterrer de la viande froide dans les cimetières, juste pour se faire plaise. Hardcore, hein? Pour se faire plaise. Moi, pour me faire plaise, je me fume des gros calots, je me tape des pougnettes devant des films de boules, je défonce des vélips, je crache sur des gueules de cons. Et Ben Zikon, pour se faire plaise, il souille des macchabés. 5. Là le forain. L'Agdar aussi, il fait des trucs chelous dans ce style. Le fantasme de mon srabé, c'est de carrer sa teub dans des têtes, plus précisément dans les orbites ou la chébou. La steg. Un jour, l'Agdar, tellement qu'il est zarbi, il a calé ses couilles dans une urne où une zouz s'était faite incinérer. Il m'a expliqué qu'il adorait se faire gober les bouliches par de la cendre. En même temps, ce jour-là, l'Agdar était archi foncédé. Il y a aussi ma frelonne, qui conserve les bites et les paires de yeux dans des bocaux de cornichons, et mon sos qui a pris perpète à la santé, soi-disant que c'était un tueur en série. Son délire, il découpait le trou de balle de ses victimes, gardait les fions auprès de lui et se faisait des colliers de trous. Nawak. Ce qu'il kiffait aussi, c'était couper les oies des gens et se les enfiler dans le boule. Moi je dis, chacun ses stous. Mais la nécrophilie, franchement, je ne pige pas le dièse. Ah ouais, j'oubliais aussi Melka, un gars des Jeux de Bobigny. Un archi bon pote à Organisation Internationale pour les Migrations, mais un peu spé lui aussi, et encristé dans je ne sais plus quel carplat. L'année dernière, il a dépecé un mec, a fait sécher ses boyaux au soleil pendant 3 jours, et s'est branlé dans ses intestins. 5. Là le gamin. De temps en temps, quand il avait la patate, un peu comme Zikon, il allait déterrer des macchabés dans des cimetières, les prenait en dogistyle et jetait dans leur bec. Il m'expliquait qu'il n'y avait pas plus chiennasse qu'un cadavre en décomposition. Enfin bref, j'ai 2 ou 3 autres frelots dans ce délire nécro, mais ce n'est pas pour moi. Les gens sont trop chelous, laisse tomber. Perso, jamais je ne buyaverai un macabé. Sauf si j'ai archi envie de Ken. Vous écoutez Radio Parasite? Ça tue?